écrire une chanson. C'est comme baiser. Écrire une chanson quand on ne peut plus baiser. Écrire une chanson, c'est du temps perdu. Quand on est célibataire, on ne baise plus. Et on pense à la mort, et on pense au dîner, et on pense au cassoulet. Écrire une chanson, c'est comme baiser. Écrire une chanson quand on ne peut plus baiser. Écrire une chanson, c'est du temps perdu. Quand on est célibataire, on ne baise plus. Se suicider, en finir avec tout ça, une dernière fois. Écrire une chanson, c'est comme baiser. Écrire une chanson, quand on ne peut plus baiser. Écrire une chanson, c'est du temps perdu. Quand on est célibataire, on ne baise plus. Éjaculer sur son ventre ne rime plus à rien. Écrire une chanson, c'est comme baiser. Écrire une chanson quand on ne peut plus baiser. Chanson, c'est du temps perdu. Quand on est célibataire, on ne baise plus. Quand on est célibataire, on ne baise plus. Yeah.